Son cafard aux mille aiguilles de brouillard. Les fleurs s'éteignent, le ciel se ride, se balance dans le vide. La lune verte pleure du miel, il pleut du vent sur la mémoire. Le silence qui t'entoure résonne un peu comme un tambour. Tu veux partir ailleurs, au pays d'autre part. Tu espères oublier cette sinistre histoire. Personne en qui croire, les amitiés sont illusoires, comme une source qui se meurt, la vie se fane, telle une fleur, à rechercher un essentiel, loin des mensonges officiels. T'es perdu dans ce théâtre où tu n'as pas trouvé ton rôle. Mais la beauté du monde te montra de l'intérieur. Elle t'envahira si tu entends ton cœur. Déjà morte, il va falloir fermer ta porte. Comme tous tes amis de la marge, tu voudrais bien tourner la page. Mais dans les yeux de ton miroir, la mort te semble un beau rivage. Son cheval de neige brune, elle t'entraîne dans ses brumes. Il ne te reste plus qu'à faire le dernier pas, sans vraiment bien savoir ce qui t'attend là-bas. Neutralisé dans cette chambre aseptisée, il y a tes veines qui se cachent, il y a tes veines qui éclatent. Avec des armes de bazar, on tue le monde et sa chaleur. Mais dans tes yeux remplis de larmes, j'ai vu la mort et sa douleur. Et le jeu que tu mènes pourra-t-il te guérir? Qui te dit que la mort fait oublier la vie? Mais le jeu que tu mènes pourra-t-il te guérir? Qui te dit que la mort fait oublier?